précédemment dans la République de Platon. L'idée même du contrat, si vous voulez, que Glaucon exprime au début du livre 2 de la République, c'est ça qui explique que la justice soit évidemment pour tout le monde un bien que on ne veut que pour ses conséquences et pour ne pas souffrir au fond qu'on est juste. Mais au fond de soi, c'est pas ça qu'on veut. La République de Platon, saison 1, épisode 3. Purification, mensonge, censure, l'éducation selon Platon. Bonjour Nicolas Zax. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Vous êtes chargé de recherche en philosophie ancienne à l'Université libre de Bruxelles et vous prenez le flambeau aujourd'hui de ce marathon Platon, puisqu'on y consacre 2 semaines à la République de Platon. Dimitri Elmure est venu lundi et mardi nous parler des livres 1 et 2 de la République et aujourd'hui nous allons lire ensemble les livres 3 et 4, ce qui constitue tout un programme, presque un programme électoral, car si Platon devait se présenter à l'élection présidentielle, il expliquerait que le plus important serait de tout miser sur l'éducation. Mais l'éducation de ceux qu'il nomme les gardiens de la République, que vous allez nous présenter aujourd'hui, il proposerait des mesures qui ne manqueraient pas de susciter la polémique, puisqu'on trouverait une justification du mensonge en politique, de la censure dans l'éducation, et cette idée qui ne manquerait pas d'être controversée, d'une purification de la culture, si bien qu'on se demande si Platon, dans le livre 3 et 4 de la République, eh bien s'il devait s'adresser à son peuple, il ne le ferait pas comme ça. Soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Les plus fidèles auditeurs des Chemins de la Philosophie auront reconnu la voix de Georges Claes qui doublait Palpatine dans Star Wars en français. Georges Claes qui nous manque tous les jours. Platon n'a-t-il pas tout d'un Palpatine, Nicolas Zax? Palpatine qui, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, veut réorganiser la République en une société qui repose sur l'ordre. Bon, alors c'est vrai que quand on lit le livre 3 et 4, il y a un peu cette impression de presque de tyrannie ou d'ordre excessif. Mais Platon lui-même pensait que c'était le contraire, que lui, le régime qui essaye de construire ou essaye de déduire, est le régime le plus opposé à la tyrannie. Au livre 8, il l'oppose complètement à la tyrannie, aussi bien qu'il l'oppose 729 fois à la tyrannie. Donc lui avait l'impression... Vous avez compté. Oui, enfin lui-même offre ce calcul. Ah oui. Vous allez voir peut-être dans le livre 8. Donc lui, il a l'impression que c'est complètement l'opposé de la tyrannie. Mais en effet, certains penseurs ont, comme vous le suggérez, ont vu dans le livre 3 et 4 principalement Platon comme un ennemi de la société ouverte, un ennemi de la démocratie. C'est l'impression que certains de ces textes peuvent donner. Alors moi, je pense qu'il y a plus à dire, et enfin, c'est peut-être de voir aujourd'hui qu'il y a plus à dire, mais c'est vrai que c'est une impression qui a existé au cours de l'histoire de la philosophie, que ces textes étaient très, très durs. Oui, c'est ça. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il y a plus oui. à dire, mais c'est vrai. Il y a une dureté, c'est une façon de le dire, mais effectivement, il y a une conception de l'éducation qui peut paraître choquante aujourd'hui. On va prendre le temps de l'examiner. D'abord, dites-nous, qui sont ces gardiens? Oui, alors, les gardiens, donc, émanent du passage qu'on a évoqué hier entre la cité saine et la cité malade. La cité malade a des besoins. Et pour répondre à ses besoins, elle doit conquérir des territoires, donc faire la guerre. Et la conquête de ces territoires implique la constitution d'une armée. Une armée qui va attaquer les ennemis et défendre les citoyens. Et donc c'est là que naît cette classe de gardiens. Donc ce sont des guerriers, les gardiens? Ce sont des guerriers, en tout cas au début, qui vont attaquer les ennemis et défendre les amis. Et que Platon compare à des chiens de garde. C'est un paradigme du chien, des chiens de garde qui sont capables de reconnaître les gens qui connaissent leur maître et d'être gentils avec eux, et qui, face aux ennemis, aboient et mordent. Et donc, c'est là qu'il va établir les deux qualités principales que nécessitent les gardiens, qui est d'une part la douceur envers les amis, et d'autre part l'ardeur envers les ennemis. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va éduquer ces gardiens qui ont besoin de ces deux qualités, la douceur et l'ardeur, dans notre cité. Et c'est là que c'est ça que les livres 3 et 4 vont examiner en détail. Donc c'est pas l'éducation de la jeunesse dans la cité, c'est vraiment l'éducation des gardiens dont il s'agit. Alors c'est discuté parmi les commentateurs parce qu'on peut se demander si une moins bonne éducation aiderait la cité pour les autres classes qui vont naître, notamment la classe des producteurs. Donc moi j'aurais tendance à penser qu'en fait c'est une éducation qui est généralisée à toute la cité, mais en tout cas elle est présentée d'abord comme l'éducation de ces gardiens et comme la tentative de concilier ces deux qualités qui ont l'air d'être complètement inconciliables, l'ardeur et la douceur. Mais ça veut dire que Platon ne considère pas la possibilité de réfléchir à ce que serait une république idéale sans la désignation d'ennemis, c'est-à-dire qu'il faut quand même se protéger, voire attaquer, pour exister en tant que cité ? Alors, les ennemis viennent justement du type de cité dans lequel on est. Vous vous souvenez hier qu'on est passé d'une cité saine, où on remplit uniquement des besoins nécessaires, à une cité luxueuse ou enfiévrée. Et c'est à partir de là que la guerre commence. C'est à partir du moment où on veut plus et on a besoin de plus pour répondre à des besoins, que ce soit des besoins de la culture en général ou même d'autres besoins, des besoins matériaux. Donc oui, il y a ce passage au livre 2 sur lequel on a insisté hier qui rend nécessaire la classe des gardiens. Donc c'est pas non plus un appel à l'expansion comme non, pas du tout. Justement à la Palpatine, c'est pas la République en empire, c'est pas ça. Non, c'est déduit du passage de la société saine à la société enfiévrée. Mm-hmm. Et comme Dimitri Elmure en parlait hier, la question de l'occupation dans la société saine, elle reste ouverte pour Platon. Lui pensait que peut-être il y avait pas de philosophie, il y a d'autres penseurs qui pensent qu'en fait il y avait déjà de la philosophie dans cette cité-là et que peut-être que c'est ça la cité la plus juste. Mais en tout cas, Platon prend en compte l'idée que pour répondre à certains besoins, il y aura en tout cas des combats contre les autres cités. Que ça vienne de la cité idéale ou que ça vienne d'ailleurs des autres cités qui ne supporteraient pas cette nouvelle cité. Donc cette classe des gardiens est déduite de cette situation de remplir des besoins et de conquérir des richesses, si vous voulez. Alors dites-nous juste quelles sont les autres classes, quand on parle de la classe des gardiens. Alors, donc la classe des gardiens, c'est celle qui va protéger la cité. De cette autre classe, on peut distinguer la classe des producteurs. Et alors une troisième classe qui est distinguée plus tard dans le livre 3, qui est la classe des auxiliaires. Alors, comment est-ce que cette classe est distinguée ? Ça, c'est intéressant, pas toujours bien noté par les lecteurs, mais elle se distingue par le fait que parmi les gardiens, certains d'entre eux vont arriver à avoir plus le bien public en tête. C'est-à-dire qu'au cours de leur éducation, ils vont arriver à conserver l'idée de bien public, donc de ignorer le bien propre, mais de défendre le bien public, en dépit des épreuves qu'ils peuvent traverser. Par exemple, l'influence des sophistes qui vont essayer de leur faire changer d'avis. Mmh. Par exemple, une épreuve personnelle qui les rend tristes, ou l'oubli. Hein. Ils vont avoir certaines qualités qui font qu'ils vont garder le bien public en tête et qui vont les distinguer des autres gardiens et créer cette classe de dirigeants. Donc on a en fait trois classes, la classe des dirigeants, la classe des auxiliaires qui sont à proprement parler les gardiens, et puis la classe des producteurs. Qui est le peuple ? Qui est ça c'est une compréhension qu'on pourrait avoir, mais en fait c'est simplement les gens qui produisent, c'est-à-dire des artisans ou des agriculteurs, hein, et qui sont des cordonniers, forgerons, oui. Forgerons, voilà, c'est ça. Mais alors quid du reste du monde, j'allais dire, enfin dire, il y a que ces trois catégories-là qui font partie de la cité, où sont les femmes, où sont les hommes qui ne sont pas des artisans ni des guerriers. Alors donc les hommes qui sont ni artisans ni guerriers, ça c'est une bonne question. Les femmes, on va voir ça dans le livre 5 en détail, que en réalité elles vont avoir exactement la même éducation que les hommes. Donc ça c'est très intéressant, et en tout cas c'est là que sont les femmes. Elles sont aussi bien distribuées, disons, que le sont les hommes entre ces trois classes distinctes. Alors je pense pas. Alors je pense que les commerçants, qui sont un exemple auquel on pourrait penser, font partie de la classe des producteurs. Hein. Platon explique que les producteurs n'ont pas le temps d'aller au marché et donc ils doivent déléguer des gens qui vont aller au marché à leur place. Et d'ailleurs, il dit que c'est les gens qui sont les plus faibles physiquement. Ouais. Bon, donc voilà, les gens les plus faibles. Voilà qui n'arrange pas son cas. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est vrai. Qui délègue la tâche de commerce à ceux qui n'ont pas la capacité de faire autre chose et qui font passer leur temps au marché à attendre le moment propice pour signer des contrats. Alors, parmi les choses que l'on trouve nécessaires dans l'éducation de ces gardiens, donc il faut peut-être rappeler que l'éducation à Athènes comportait trois grands chapitres, trois grands temps. Il y a la lecture et la récitation, il y a la musique, il y a la gymnastique. Mm-hmm. Platon reprend ces différents temps et explique qu'il y a un problème, qu'il y a peut-être d'ailleurs une catégorie d'hommes qui n'est pas la bienvenue dans cette cité idéale. Et cette catégorie d'hommes, ce sont les poètes. Le bannissement des poètes par Platon a fait couler énormément d'encre depuis 25 siècles. Et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui les poètes nuisent à la cité idéale selon Platon. C'est donc bien, s'il veut les exclure, c'est qu'il les considère comme dangereux. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils sont inutiles, Nicolas Zach, c'est qu'ils veulent, peuvent causer du mal à la cité. Oui. Alors, bon, comme vous avez dit, 25 siècles de débats, et donc je vais essayer de présenter certains traits aujourd'hui. Il y aura une correspondance avec ça dans le livre 10, ouais, où la critique est reprise peut-être plus radicalement. Mais alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans le livre 3, tous les poètes ne sont pas bannis. Hein. Ce qui est banni, c'est seulement la poésie imitative qui imite de mauvaises choses, d'après Platon. Hein, donc, de ce point de vue-là, la critique n'est pas complète. Elle est uniquement basée sur le fait que certains poètes imitent des comportements que Platon estime ne pas aller dans le bon sens pour l'éducation des gardiens, qui, je vous le rappelle, doivent faire preuve d'ardeur. Mmh. Et donc, si on leur présente dans des poèmes des exemples de héros, par exemple, ou de dieux qui se lamentent ou qui font preuve d'un manque de modération, Platon estime que ces extraits de la poésie vont les encourager à se comporter eux-mêmes comme ça, les gardiens. Par exemple, s'ils ouvrent l'Iliade de Homère et qu'ils tombent face à Achille en pleine colère, puisque l'Iliade de Homère commence avec la colère d'Achille, ça va nuire à leur comportement parce qu'ils vont vouloir imiter la colère d'Achille. C'est l'argument qu'on tient aujourd'hui envers les jeux vidéo. Hein. Si on joue à des jeux vidéo trop violents, on va devenir soi-même trop violent. Alors, la colère d'Achille, cet exemple-là, je ne sais pas en particulier, parce que peut-être que Platon estime que certaines colères sont saines, comme on dit parfois. Mais il y a certainement des exemples dans l'Iliade et l'Odyssée qu'il rature, hein, littéralement. Il passe le livre 3 à dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans l'Odyssée et dans l'Iliade, et puis dans d'autres tragédies. Et donc, Platon a l'impression que lorsque on est soumis à un certain type d'imitation, ou lorsque l'on imite soi-même d'ailleurs, puisque pour lui, on est à la fois imitateur quand on joue hein, au théâtre, mais aussi quand on regarde. Hein, donc il y a une sorte de chaîne imitative pour Platon, entre le poète, le rhapsode, le performeur ou la performeuse, et le spectateur ou la spectatrice. Et donc, d'après lui, au cœur de cette imitation se loge la possibilité de devenir ce qu'on imite. Et comme vous dites, loin d'être un argument philosophique qui a été oublié par la tradition, c'est au contraire, a été constamment répété le refus de l'image dans l'époque byzantine, les polémiques contre la mimétique et pour dans l'art abstrait, et aujourd'hui, en effet, dans la rhétorique contre les jeux vidéo ou contre la pornographie, par exemple. C'est ça. Alors, je vous propose qu'on écoute Platon. Socrate, sous la plume de Platon, exposait les arguments contre l'imitation, contre la mimésis. Oui. Si jamais nos gardiens imitent, que dès l'enfance, ils imitent ce qui leur convient, des hommes virils, maîtres d'eux-mêmes, pieux, libres, et tout ce qui s'y apparente, que ce qui manque de liberté, ils ne le pratiquent pas, ni ne se montrent capables de l'imiter, ni non plus rien d'autre de ce qui est déshonorant, de façon à éviter que la pratique de l'imitation ne leur donne du goût pour la chose réelle. Ne te rends-tu pas compte que les imitations, si on les accomplit continuellement dès sa jeunesse, se transforment en façon d'être et en nature, à la fois dans le corps, dans les intonations de la voix et dans la disposition d'esprit? Alors, nous ne permettrons pas à ceux dont nous affirmons nous soucier et dont nous disons qu'ils doivent devenir des hommes de bien, d'imiter eux qui sont des hommes, une femme, jeune ou moins jeune, qui injurie un homme ou qui fasse aux dieux les querelles et se compare à eux parce qu'elle se croit heureuse ou qui, au contraire, est plongée dans le malheur, la souffrance et les lamentations. Et de même, nous serons loin de permettre qu'on imite une femme malade, amoureuse ou en mal d'enfant. Ni non plus qu'on imite les esclaves, femmes et hommes, faisant ce qui est le propre des esclaves, ni non plus apparemment des hommes méchants et lâches. Alors, on a quoi à l'ordre du jour ? Jean du jardin. C'est un cauchemar, les gars. Mais il veut pas se laver ou se raser, non ? Rien ? Non, rien, rien. À ce propos, Gabriel, je me demandais, ton nouveau style, c'est pour faire brancher ou t'as juste lâché l'affaire physiquement? Ok, les gars, pardon, on peut rester focus là parce que moi j'ai un acteur en pleine délai, Lewis. En pleine quoi? Daniel Day-Lewis. L'acteur anglais qui travaille tellement ses rôles qu'après il peut plus en sortir. Ok. Ça peut servir la culture cinématographique quand on dirige une agence artistique. Par exemple, pour Le Dernier des Mohicans, Daniel Day-Lewis a vécu comme un indien pendant 6 mois et quand ça s'est terminé, il voulait toujours dormir avec son fusil à poudre. Et après Miles les Foot, il a continué à écrire des lettres avec ses pieds. Méthode acteur studio. Ah ouais. Santé mentale fragile, le garçon. Moi, je trouve ça magnifique. C'est une chance d'être tellement bouleversé en profondeur parce que tu fais que t'es transformé, tu deviens un autre. France Culture. Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et on lit La République de Platon cette semaine ainsi que la semaine prochaine. Aujourd'hui, livres 3 et 4, L'éducation. L'éducation selon Platon, l'éducation des gardiens de la République que vous venez de nous présenter, Nicolas Zaks. Quel est le problème avec l'imitation? Donc le texte l'a bien dit, si nos gardiens imitent, ils deviendront comme ceux qu'ils sont en train d'imiter. L'extrait de la série 10% que vous venez d'entendre va tout à fait dans ce sens. Hein. Jean Dujardin fait une Daniel Day-Lewis, connu pour, enfin dans la série en tout cas, incorporer tellement les rôles qu'il doit jouer qu'il ne fait plus de différence entre le personnage et lui-même, ce qui est exactement le danger que pointe Platon. On a quand même envie d'objecter à Platon que l'imitation, quand elle est excessive, certes, peut peut-être nuire à celui qui est éduqué, mais qu'il n'y a pas d'éducation sans imitation. Nous passons notre temps à observer, à vouloir reproduire des choses que l'on voit pour s'éduquer, pour devenir soi-même, si cette phrase a un sens. Alors, c'est tout à fait vrai. La recherche a montré que... on apprenait les choses et on intériorise des comportements en les modélisant et en les reproduisant. Donc c'est correct. L'imitation est au cœur de l'acquisition de compétences culturelles et psychologiques. Et donc de ce point de vue-là, il est vrai que Platon peut-être manque quelque chose de l'importance de l'imitation et de la puissance cognitive de l'imitation, qu'Aristote par exemple reconnaît. En développant la conception de catharsis. Donc, loin d'être un danger, l'imitation est au contraire une manière de pacifier des conflits qu'on ressent et de nous permettre de dépasser certaines situations. Donc, c'est vrai que, à mon avis, Platon ne capture pas l'essence même du phénomène mimétique. La recherche l'a montré. Néanmoins, l'extrait de la série que vous avez passé montre que c'est resté et que c'est intuitivement correct de reconnaître que ce qu'on imite est toujours et jamais loin, que la limite entre ce qu'on imite et la chose imitée, entre nous et la chose imitée, n'est jamais tout à fait claire. Hein. Et ça, à mon avis, Platon a raison et a une bonne intuition de reconnaître que l'image a cette capacité de nous faire un effet d'entraînement vers la chose qu'elle imite. Donc c'est ça la conception platonicienne de l'image, qui peut-être n'est pas complètement exacte, mais qui en tout cas capture une intuition intéressante, c'est qu'une image, en se faisant passer pour quelque chose, nous conduit vers la chose qu'elle imite. Donc il y a un effet d'entraînement intrinsèque à toute image. Vous voyez, qui fait que les acteurs, que ce sont des histoires qu'on raconte, que les acteurs ou les actrices finissent par s'identifier au rôle qu'ils ou elles jouent. Hein, et c'est la fameuse histoire de Bela Lugosi qui jouait tout le temps des rôles de vampires et à qui d'ailleurs les gens demandaient tout le temps de continuer à jouer son rôle dans la vie réelle. Mmh. Et donc il y a, à mon avis là, une intuition correcte de Platon qui est de reconnaître la puissance d'entraînement que l'imitation peut avoir sur ceux qui imitent. Mais on ne comprend vraiment le problème avec l'imitation que si on connaît un peu la philosophie de Platon, pour qui il y a quand même une hiérarchie entre l'idée avec un I majuscule, qui serait l'équivalent d'une chose en soi, de l'incorporation de cette idée dans le monde réel et de l'imitation de son monde par l'artiste, par le peintre ou par le poète qui va reproduire ce qui n'est déjà qu'une sorte de reproduction. C'est-à-dire qu'on est à plusieurs degrés du réel selon Platon avec l'imitation. Alors, c'est vrai que derrière cette critique de l'imitation, il y a un petit peu l'hypothèse des formes que Platon va développer plus clairement dans les livres centraux de la République et au livre 10. Donc à ce niveau-ci du texte, il ne joue pas toutes ses cartes sur la table. Hein. Donc il y a un peu de retenue et l'imitation ici est condamnée comme par cet effet d'entraînement dont j'ai parlé. Mais c'est vrai qu'au fond des choses, le problème vient du fait que le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on est un monde lui-même qui imite dans une certaine mesure, une réalité plus vraie ou plus pleinement déterminée. Mmh. Et donc, c'est ça le risque. C'est toujours de croire que l'image est l'original. Et derrière la condamnation de l'imitation qu'on a ici, il y a la condamnation du fait de croire que les apparences qui nous entourent sont la chose elle-même. Hein, donc c'est ça le risque sous-jacent en effet. Et donc si on est conscience de cette idée qu'il y a des formes que les apparences imitent, eh bien on comprend mieux pourquoi Platon s'inquiète de l'imitation, parce que on pourrait croire que le monde qui nous entoure est le véritable monde, alors qu'en fait ce n'est pas le cas d'après lui en tout cas. Alors il y a deux objections qu'on peut adresser à Platon avant de continuer à la lecture, parce que le programme est chargé ce matin, Nicolas Zaks, mais là c'est vraiment passionnant. Oui. Pourquoi Platon craint-il que l'être humain confonde l'essence et l'apparence? Au fond, c'est comme s'il ne faisait pas assez confiance. Ne sommes-nous pas tous dotés de suffisamment de raisonnement pour pouvoir les distinguer? C'est toujours l'argument un peu infantilisant qui est de dire « Ah, mais voilà, si on lit trop ceci, si on fait trop cela, on va se tromper. » Et deuxièmement, il y a l'idée quand même que l'individu qui va lire Homère, puisqu'il en a quand même contre Homère, hein, Platon dans ce texte, va perdre ce qui fait son identité. Il y a l'idée très surprenante et qui paraît anachronique, d'une sorte d'identité personnelle dans le texte, à laquelle l'art ou la fréquentation de l'art nous ferait renoncer. Ces deux objections, me semble-t-il, tiennent dans ce texte. Qu'en pensez-vous, Nicolas Zaks? Oui, alors c'est vrai que on pourrait avoir cette impression-là, mais il faut pas sous-estimer le pouvoir des apparences. Hein, comme on va le voir plus tard dans le livre, mais déjà, les apparences sont ce dans quoi on est. Hein, quand on est enfant, on est dans un monde d'apparences, desquelles on est sous l'emprise. Et donc, c'est pas facile de se dégager de ces apparences. Donc, c'est peut-être pour ça que Platon ne fait pas complètement confiance, disons, aux lecteurs et aux citoyens, parce que l'arrachement et l'arrachement aux rêves que sont les apparences autour de nous, c'est quelque chose de très difficile à faire. Mais c'est quoi les apparences, par exemple? Alors, il y a pas de cinéma. Enfin, il y a l'allégorie de la caverne, montre qu'on n'est pas très loin du cinéma. Mais c'est quoi l'apparence du monde réel? Alors, c'est l'idée qu'en fait, on croit que ce qui nous apparaît est la chose réelle. Alors pourquoi c'est pas le cas? Ouais. Alors, donc Platon donne plusieurs exemples. Un de ces exemples classiques, c'est que les choses qui nous apparaissent sont toujours les choses telles qu'elles nous apparaissent, mais aussi ne le sont pas. Par exemple, vous avez un ami qui se montre très juste à votre égard. Et puis plus tard dans sa vie, il se montre au contraire très injuste. Donc la même personne est à la fois juste et injuste. Et donc ce que Platon estime, c'est que cette personne-là n'est pas la seule chose qu'il y a une justice qui, elle, n'est pas tantôt juste, tantôt injuste. Et donc, évidemment, quand on vit, on est entouré de gens, on est entouré de choses, et donc on croit que c'est ça ce qui est le plus. Mais en fait, Platon dit non, ça c'est pas, parce que tantôt c'est juste, tantôt c'est injuste. Alors que pour lui, c'est permanent, le réel c'est le permanent. Le réel c'est le plus déterminé. Et ce qui est le plus déterminé, c'est les choses qui sont pas tantôt quelque chose, tantôt autre, mais qui sont toujours égales à elles-mêmes. Donc ce sont les idées. Ce sont les idées. Donc le monde dans lequel nous vivons en chair et en os dans ce studio n'est qu'une apparence. Alors, c'est une apparence, alors ça veut pas dire que ça n'a aucune consistance, hein, ça a une consistance. Mais ce dont nous sommes les supports n'est pas aussi déterminé que les prédicats eux-mêmes. C'est-à-dire que bien sûr nous avons des chairs et des os, et il n'est pas question de nier ça. Mais par contre, il est question de nier que ce soit la seule chose qui soit. Ce qu'il y a réellement, c'est la capacité de penser les idées, hein, comme il les appelle, qui, elles, ne sont pas tantôt une chose, tantôt une autre. Donc, ce que nous sommes en train de faire dans notre discussion. Ce que nous essayons. Il y a deux niveaux différents dans notre réalité-là. Ah, voilà, alors justement, l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui et qu'on se donne ensemble, c'est la possibilité, et là Platon le dit tout à fait, c'est le dialogue qui permet justement de poser des questions et d'y répondre, un mouvement qui permet de dépasser cette idée un peu abétissante que ce qui nous apparaît est le réel. Hein. Et en parlant, en mobilisant notre âme, d'une certaine manière, on est capable de dépasser cette apparence et de poser des idées. Par exemple, qu'est-ce qu'une éducation, hein, au lieu de s'éduquer ou d'être dans ce moment-là, on se demande qu'est-ce que c'est une éducation, on pose des questions, on essaie d'y répondre. Alors, c'est pas garanti qu'on arrive à le déterminer, mais c'est l'idée, en tout cas, qu'on puisse déterminer plus précisément ce que c'est une éducation. Peut-on dire au sujet de Platon qu'il pratique la censure dans l'éducation quand il raye des passages de l'Odyssée d'Homère? Est-ce que c'est une censure? Oui, on peut le dire. On peut le dire, c'est une censure, mais une censure qui est justifiée pour les raisons qu'on a données. C'est-à-dire pour faire en sorte que l'éducation des gardiens ne soit pas complètement... qu'elle soit contrôlée et qu'elle nous conduise à ce résultat qui est un mélange d'ardeur qui n'est pas violente ni brutale, et un mélange de douceur qui permet d'apprendre. Et donc, il a l'impression que c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à ce résultat, en prémunissant les gardiens de se confronter à des mauvais exemples. Quelle différence, par exemple, entre la censure que pratique Platon et la censure qui a lieu là, il y a quelques jours, dans le Tennessee, une école a voté l'interdiction, le bannissement du roman graphique de Art Spiegelman Maus, justement, sous le prétexte que celui-ci contiendrait des mots vulgaires. Écoutez la réaction d'Art Spiegelman. Je suis passé de la confusion la plus totale à la volonté d'être tolérant envers ces gens qui ne sont peut-être pas des nazis, peut-être, parce qu'en lisant le rapport du comité, je me suis aperçu que c'était encore plus idiot que ça. Ils se sont vraiment focalisés sur certains mots qui sont dans le livre, comme « merde ». Je ne peux pas croire que le mot « merde » les pousse à bannir le livre de l'école. C'est terrifiant de se dire qu'un livre qui raconte l'Holocauste, hein, comme c'est le cas de ce roman graphique d'Art Spiegelman, puisse être aujourd'hui censuré par une école aux États-Unis. C'est tout aussi terrifiant, n'est-ce pas, Nicolas Zaks, de se dire que Platon va censurer des passages de Homère parce que ça ne correspond pas à l'idée qui se fait de l'éducation. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est assez terrible. Mais ça montre quand même l'acuité de l'intuition de Platon, qu'aujourd'hui on est que loin d'être un texte qui n'a pas d'actualité, ça en a beaucoup, qu'on continue à se poser les questions de savoir comment éduquer nos enfants, comment faire en sorte d'avoir une société qui n'est pas sous l'emprise de la violence et des vices. Alors évidemment, ça nous paraît un peu fou aujourd'hui d'opérer ces censures. Et il y aurait sans doute un moyen terme à trouver entre une censure pure et dure et une capacité d'expliquer certaines dimensions d'œuvres d'art qui pourraient paraître problématiques. Hein. C'est le même problème qui apparaît dans la question, par exemple, rétrospective du racisme dans certaines œuvres. Donc c'est loin d'être une question complètement réglée en réalité. Et on peut comprendre, en fait, on peut comprendre l'intuition qu'il y a derrière cette idée de vouloir prémunir la jeunesse contre ces vices. Alors évidemment, il y a peut-être d'autres moyens. Il y a des moyens, par exemple, d'expliquer ou de remettre en contexte certains événements. Alors la différence aussi, c'est que tout de même que dans le cas d'Art Spiegelman, il présente un fait historique. Donc le fait historique. Oui, mais là, il n'est pas contesté parce qu'il parle de l'Holocauste, mais parce que de la façon qu'il a d'en parler et d'avoir recours à des gros mots. Il dit merde. Oui. Non, on est d'accord, hein, je peux pas défendre cette idée-là. Mais par contre, ce que je peux défendre, c'est l'idée qu'il s'agit d'encadrer la présentation du roman du roman graphique d'Art Spiegelman quand on le présente à des élèves, parce que c'est quand même loin d'être quelque chose qui va de soi. Et c'est vrai que je sais pas quel âge avaient les enfants qui étaient censés lire ce livre, mais s'ils étaient des jeunes enfants, ça peut avoir une dimension traumatisante. De lire merde. Non, pas de dire merde, mais je veux dire... Ah, de parler de l'Holocauste, oui, mais ça, c'est pas le critère au nom duquel il a été banni, justement, c'est bien ça le problème. Non, mais je suis d'accord. Simplement, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a certaines réalités qu'il s'agit d'encadrer quand on les présente à la jeunesse. Et ça, Platon ne le dit pas vraiment. Non, il ne le dit pas vraiment. Non, c'est ça le problème, vous voyez, c'est ça qui est problématique. Non, mais il s'agit pas de défendre cette idée. Hein. Platon va trop loin, il se trompe, à mon avis, comme on l'a dit sur la question de la mimésis, qui, comme vous l'avez bien expliqué, est une dimension intrinsèque de la nature humaine. Néanmoins, on voit, et c'est très intéressant de voir, que cette idée antimimétique est restée avec nous jusqu'aujourd'hui et continuera d'ailleurs chaque polémique à y rester. Donc c'est intéressant de voir d'où ça vient et de voir la conception de la mimésis derrière cette idée. Deuxième temps de ce livre 3, voilà qui ne va pas arranger son cas. Platon ne semble pas, il défend le mensonge dans l'éducation, mais surtout en politique, mais pas n'importe quel mensonge, qu'il appelle le noble mensonge. Écoutez. Quel moyen serait à notre disposition pour persuader de la noblesse d'un certain mensonge, d'abord les gouvernants eux-mêmes, et si ce n'est pas possible, le reste de la cité? Quel mensonge, demande-t-il. J'entreprendrais en premier lieu de persuader les gouvernants eux-mêmes et les hommes de guerre, ensuite le reste de la cité, que tout ce dont nous les avons nourris et formés, tout cela était pour ainsi dire comme des rêveries dont ils font l'expérience lorsqu'elles se présentent à eux. En réalité, ils étaient alors modelés dans le sein de la terre et élevés, eux, leurs armes et tout leur équipement en cours de fabrication. Quand ils furent entièrement confectionnés, la terre, qui est leur mère, les a mis au monde. Et maintenant, ils doivent considérer cette contrée où ils se trouvent comme leur mère et leur nourrice, et la défendre si on l'attaque, et réfléchir au fait que les autres citoyens sont comme leurs frères, sortis eux aussi du sein de la terre. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Les yeux dans les yeux, est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, à aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Aujourd'hui, en conscience, j'estime que la gravité de cette faute ne me permet pas de rester parlementaire et j'ai donc décidé de démissionner de ce mandat. Nicolas Zax, lorsque Platon justifie l'utilisation du mensonge en politique, irait-il jusqu'à justifier ou donner raison au mensonge de Jérôme Cahuzac, qui lui a coûté très cher à l'époque, vous l'avez entendu, il a dû quitter ses fonctions? Alors, c'est l'impression que ce texte donne en première lecture et qu'il a donné au cours de l'histoire de la philosophie. On a vu dans ce texte une justification, disons, de l'idéologie au cœur même de la politique et de la possibilité pour les politiciens de mentir. Aussi bien que un auteur comme Léo Strauss, par exemple, a utilisé ce texte comme une sorte de modèle, disons, politique pour faire en sorte que les gouvernants puissent justifier leurs actes par des mensonges. Ça a mené d'ailleurs à autre exemple contemporain, au fameux mensonge des armes de destruction massive pour justifier la guerre en Irak. D'autres auteurs ont vu dans ce texte un autre type d'idéologie, notamment l'idéologie patriarcale, qui dénierait aux femmes la capacité d'engendrer et qui transférerait ça à la terre seraient nés tous les gardiens, hein, puisque c'est ça le mythe, c'est que les gardiens sont censés naître d'une terre unique dont ils seraient tous originaires et qui expliquerait qu'ils sont tous frères les uns des autres et que comme ils sont tous frères les uns des autres, ils doivent défendre la cité. Bon. Alors, ça, c'est la première lecture qu'on peut en avoir. Mais il faut quand même noter que Platon appelle ça le noble mensonge. Hein? Noble mensonge. Or, cette lecture-là, c'est pas un très beau mensonge, c'est plutôt un mensonge ignoble. Donc, on a l'impression que Platon se contredit. D'autant plus que, plus tard dans le texte, il va définir l'amour de la vérité comme un trait caractéristique de la philosophie. Donc, je pense qu'il faut chercher une autre lecture. Donc, si je vous comprends bien, le mensonge, c'est de raconter aux gardiens qu'ils naissent tous de la même terre. En première lecture, c'est ça qu'on a l'impression. Mais en fait, je pense que l'impression se dissipe quand on se rend compte que ce dont on est, les choses qui naissent de la terre, c'est pas des bébés, mais c'est des hommes adultes. Hein. Il dit bien, ce sont des hommes casqués et armés, des hommes adultes. Et donc, ce qui se passe, ce que Platon dit, c'est pas qu'on est biologiquement de la Terre, mais qu'on est sous la Terre, que le moment où on est sous la Terre. Et ça, pour Platon, c'est pas un mensonge, puisque comme le dit le mythe de la caverne, c'est ça qui est notre condition, c'est de naître sous la Terre, au cœur de la caverne. Et donc, à mon avis, le mythe ici en question, le noble mensonge, n'est pas vraiment un mensonge. C'est un mythe, une histoire qui nous conduit vers une vérité. La vérité étant que quand nous naissons dans une caverne sous la terre. Oui, mais alors là, il faut s'entendre sur les mots. On parle de mensonge ou on parle de mythe? Alors, justement. Est-ce que tout mythe est un mensonge? Parce que Platon, il y a beaucoup recours au mythe. Oui, alors il a beaucoup recours au mythe, et je pense que tout mythe n'est pas un mensonge. Et que une lecture possible, en tout cas, hein, qui est plus charitable pour Platon, c'est de considérer que le mythe dont il est question ici n'est pas un mythe idéologique, mais une histoire qui nous permet d'atteindre à une vérité. Et que cette vérité est que quand on est, biologiquement, on est sous la terre. C'est-à-dire enfermé dans une caverne, comme vous le verrez au livre 7, qui est le fameux mythe de la caverne. Et donc, moi, l'impression que ça me donne, ce texte, c'est que c'est plutôt une histoire qui justifie une vérité. Une vérité qui est que nous naissons sous la terre et que le processus de l'éducation est un processus de seconde naissance qui nous permet de sortir de cette caverne et de sortir de la terre. Et donc, c'est ça que Platon dit. C'est que quand on a 18-19 ans, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien, on est capable de sortir de la terre, qui est notre patrie et donc qui justifie notre fraternité ou notre sororité, et qui fait que notre éducation, c'est cette sortie-là. Dans ce cadre-là, le fameux mythe des métaux, parce que en fait cette justification d'être nés tous de la même terre, va justifier qu'on ait fait chacun de métaux différents. soit d'or, soit d'argent, soit de fer et de bronze. Et donc, cet or, cet argent et de fer et bronze correspondent aux classes qu'on a distinguées tout à l'heure. L'or aux gardiens, aux dirigeants, l'argent aux auxiliaires et le fer et le bronze aux producteurs. Et donc, on a l'impression que si on s'en tient à une lecture biologique du mythe, on a l'impression que Platon dit, on est tous inégaux en réalité. Mais la lecture que je propose est un peu différente. C'est qu'on est tous enfermés dans une caverne et que le processus d'éducation va nous permettre de sortir de cette caverne et va être le révélateur du métal dont on est fait. Donc, le métal, je dirais qu'il est le résultat de la manière dont la nature se révèle par le processus d'éducation. Oui, enfin, on reste quand même dans l'idée d'un déterminisme naturel dès la naissance. Oui, mais sauf si la naissance est telle que je l'interprète, c'est-à-dire comme la seconde naissance, c'est-à-dire la naissance à l'éducation, la naissance après le processus éducatif. Ah, donc ce serait un basculement qui permettrait de rendre le texte plus en phase avec l'idée générale de la République. C'est que la nature qu'on a, si vous voulez, n'est pas une nature... c'est une nature déterminée, mais elle se révèle par l'éducation que l'on a. Oui, c'est donc un déterminisme dont on ne prend conscience qu'à 18 ans. Oui, mais alors c'est quand même différent parce que c'est une forme d'égalité des chances, puisque ça laisse à chacun la possibilité de prouver son naturel à travers l'éducation qu'il ou elle reçoit. Hein? Oui, mais si le naturel de toute façon il est déterminé, peu importe ce que l'éducation vient nous apporter. Alors, si je suis né de bronze ou d'or, l'éducation n'y pourra rien. Elle pourra me permettre de révéler la nature de mon métal, mais pas de le changer. Pas de la changer. Non, alors ça non, on peut pas le changer. Mais par contre, ce qui est quand même très fort, c'est que, Platon le dit clairement, la nature du métal dont nous sommes faits résulte de l'infusion de ce passage sous terre. Hein. Donc, c'est vrai qu'on l'a au début, mais c'est aussi parce qu'on passe du temps dans la caverne et qu'on est infusé par les métaux qui... Donc, c'est plus que de la nature biologique, c'est une sorte de caractère, là, de rencontre entre l'inné et l'acquis. Exactement. Je pense que c'est exactement ça. On rencontre entre l'inné et l'acquis qui fait qu'en fait, l'inné se révèle à travers l'acquisition. Et surtout, ce qui est intéressant quand même, c'est de se dire que Platon le dit très clairement, ça. Il dit très clairement que le métal dont est fait un enfant n'est pas nécessairement le même métal que son père ou sa mère. Alors, et ça, c'est quand même très fort contre l'idéologie grecque en général. Et donc, même s'il y a une forme de naturel, ce naturel n'est pas prédéterminé, en tout cas pas nécessairement prédéterminé, par le métal dont sont faits nos parents. Et il insiste et il dit que si on se trompe et qu'on assigne une personne à une mauvaise classe, c'est ça qui va ruiner la cité. Mmh. Et donc, dans cette lecture-là, Platon, en fait, donne un pouvoir très fort à l'éducation, comme révélateur du naturel, plutôt qu'un privilège, par exemple, de nos parents, ou un privilège héréditaire. Vous voyez ? Oui, tout à fait. Et on note aussi que le texte peut aussi donner tort à une certaine interprétation sociologique déterministe, justement, de dire que les enfants de tels parents reproduiront les mêmes normes sociales. Et Platon semble au contraire penser la possibilité d'un affranchissement de ce déterminisme-là. Voilà. Puisque des parents, pour le dire clairement, des parents de fer peuvent avoir un enfant en or, disons. Tout à fait. Et en plus, il y a quelque chose d'assez radical, puisque les parents ne sauront même pas qui sont leurs enfants, et les enfants ne seront pas qui sont leurs parents selon l'organisation sociale. Oui, alors ça, on verra ça demain, c'est parce que c'est assez troublant de... Mais alors, bon... Tout à fait, ouais. Quand même, Nicolas Zaks, il y a quand même quelque chose de... Non seulement... Bon, le mensonge est justifié, il est appelé de ses voeux. C'est-à-dire que c'est comme si Platon nous disait là... Qu'en politique, parce que c'est ça dont il s'agit, il y a quand même l'idée que le mensonge est le bienvenu, qu'il est nécessaire, le mensonge, le récit autour de l'origine est nécessaire pour que la société tienne bon, et que la nature même de ce mensonge importe peu, tant ce sont ses effets qui comptent, et qu'au fond, il n'y a pas peut-être de cité unie et en paix s'il n'y a pas ce récit des origines qui vient distribuer une place à chacun. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que l'objectif principal, c'est de créer la solidarité, la fraternité entre les citoyens et aussi l'acceptation d'une place dans la société. Donc, c'est clair que l'objectif, c'est celui-là. Mais, comme j'ai dit, c'est un mensonge dans une certaine mesure. Mais si on accepte le fait que le mythe de la caverne qui nous dit qu'on est bien sous la terre, c'est un mensonge quand même pas complet. Puisque c'est quand même le cas qu'on est tous, alors on est tous bien sûr biologiquement, mais on est tous dans une caverne. Hein, c'est le monde des apparences dont on parlait plus tôt dans l'émission. Mm-hmm. Et comme on est tous dans cette caverne, peut-être que c'est ça que le mythe veut dire. Le mythe veut dire qu'on est entouré d'idéologies, Hein, donc, ce serait une histoire qui nous dirait que nous sommes nés parmi les idéologies et que l'éducation sert à nous défaire de cette idéologie. Donc, j'aurais tendance à dire que si l'objectif est bien celui de créer la fraternité, si on insiste sur la dimension éducative du mythe, c'est moins véritable mensonge qu'un mythe qui nous conduit vers la vérité de notre condition initiale. Et est-ce que ce faisant, dernier point sur ce point, oui. Platon ne reproduit pas ce qu'il a reproché au poète précédemment, à savoir l'utilisation d'une image ou d'un mythe pour parvenir à la vérité? Alors oui, ça c'est un reproche classique qu'on lui fait, de moins depuis Proclus, de dire que si on devait évaluer Platon par les standards qu'il pose dans la République, eh bien on devrait non seulement bannir les poètes de la République, mais Platon aussi, ben voilà, oui. C'est ça. Alors oui, c'est une bonne question, mais c'est pour ça que j'essayais, dans l'interprétation donnée plus tôt, de voir dans ce mythe ce que Platon dit être une imitation des bonnes choses, hein, parce que comme on l'a vu, on peut imiter des mauvaises choses, on ne peut pas imiter des mauvaises choses, par contre imiter des bonnes choses, ça oui, même si c'est pas facile à faire et même si on ne sait pas toujours reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais donc on pourrait voir dans l'utilisation du mythe une sorte de maniement subtil d'une arme très dangereuse, mais que Platon lui-même ne se prive pas de manier pour arriver à des fins en effet qui sont de l'ordre de la stabilité politique et d'une forme d'utopie. Donc mentir, oui, créer des mythes, oui, du moment que c'est Platon qui le fait. Alors, du moment en tout cas qu'ils sont au service de la vérité. Oui, voilà. Mais que Platon détient, enfin, je veux dire, c'est lui qui vient nous expliquer ce qu'est la vérité quand même dans la République. Bon, oui, c'est son projet. Et on verra s'il y parvient. Alors, une fois l'éducation faite, on avance, hein, livre 3, livre 4. La question se pose de savoir où se trouve la justice dans la cité, car on n'a pas assez insisté là-dessus, mais on l'a beaucoup fait lundi et mardi avec Dimitri Elmur. Le but quand même de la République, de Platon, du texte, c'est de s'interroger sur ce qu'est la justice, ce qu'il a fait, et où est-ce qu'elle va se trouver dans la cité. Parce que Dimitri Elmur l'a dit hier, il y a une sorte d'analogie entre la justice de la cité et la justice de l'âme, à l'intérieur de l'âme, de chaque individu donc. Et dans le texte que vous allez entendre, donc un extrait du livre 4, Platon réfléchit à ce qu'est la justice et finalement va dire que la meilleure façon d'obtenir la justice dans une cité, c'est de faire en sorte que chacun s'occupe de ses affaires. Écoutez. Celui qui est par nature cordonnier a raison de faire le cordonnier et de ne faire rien d'autre. Et celui qui est charpentier de faire des charpentes et ainsi de suite. Et à la vérité, c'est bien quelque chose de tel, apparemment, qu'était la justice. Non pas toutefois relativement aux soucis extérieurs qu'on prend de ses propres affaires, mais relativement aux soucis intérieurs, de ce qui concerne véritablement l'homme lui-même et ce qui est à lui. Que l'homme juste ne laisse aucun des éléments en lui s'occuper des affaires d'autrui, ni les races qui sont dans son âme s'occuper de tout en empiétant les unes sur les affaires des autres, mais qu'il détermine bien ce qui lui est réellement propre, se dirige et s'ordonne lui-même, devienne ami pour lui-même, et harmonise ses parties, qui sont trois, tout à fait comme les trois termes d'une harmonie, la plus basse, la plus haute et la moyenne, et d'autres, s'il s'en trouve être dans l'intervalle, qu'il lie toutes ces choses ensemble, et que lui, qui est forme de plusieurs, ils deviennent tout à fait un, modéré et harmonisé. Que désormais, s'il lui arrive de s'occuper de l'acquisition de richesses, des soins du corps, de quelques sujets politiques ou de relations contractuelles privées, il procède ainsi. Dans tous les cas, il trouve juste et belle, et il la nomme telle, la façon d'agir qui préserve et contribue à réaliser cette façon d'être. Et il nomme sagesse la connaissance qui contrôle cette façon d'agir. Et il nomme au contraire action injuste, celle qui, à chaque fois, détruit cette façon d'être et manque de connaissance, la croyance qui, de son côté, contrôle cette action. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Alors, les sujets qui nous occupent ce matin, Nicolas Zaks, prêtent tellement à discussion qu'on en a oublié la dramaturgie, hein, de ces deux livres. Et il faut quand même rappeler, voilà, que c'est Adimante qui va intervenir dans la conversation pour dire que, voilà, une fois que l'éducation des gardiens a été présentée, eh ben, que si ces gardiens vivent sans bien, ils ne seront pas heureux. Socrate lui rétorque que le bonheur doit appartenir à toute la cité, qui va être chargée de créer l'harmonie. Pour cela, la cité doit jamais être dans l'excès, dans une forme de modération. Et comment obtenir cette modération, cette harmonie, eh bien c'est ce que le texte qu'on vient d'entendre nous signale. Et il est difficile d'entendre ce texte sans penser à d'autres textes qui seront pourtant postérieurs à la République, mais il y a une sorte de recherche de l'harmonie, de modération. On est plus proche du stoïcisme, voire même de l'épicurisme, quelque chose qui semble prôner un certain ordre pour obtenir la paix. Est-ce que cette lecture-là se tient? Est-ce que Platon ici ouvre un courant qui sera ensuite investi par d'autres philosophes que lui? Alors oui, en effet, la question de l'unité des vertus, la question du rapport entre les vertus est une question tout à fait centrale dans l'éthique antique. Donc c'est clair que c'est un texte très important et du rapport entre les quatre vertus cardinales que sont la modération, le courage, la sagesse et la justice. Et que Platon essaye, ou que Socrate, par la voix de Socrate, recherche dans sa cité d'abord. Et correspond aux trois classes dont nous avons parlé tout à l'heure, au rapport entre les trois classes. Alors, la sagesse se trouvant dans l'élément des dirigeants, les dirigeants font des bonnes décisions pour la cité, et donc sont sages. Le courage se trouvant dans la dimension, dans la classe des auxiliaires, qui respectent les décrets posés par la sagesse, et qui notamment craignent uniquement ce que la classe dirigeante dit qu'ils peuvent craindre. Et enfin, la modération, qui est le fait que les producteurs accepte la domination de la classe dirigeante en vue du meilleur. Et enfin, la justice étant définie comme le fait que chacune de ces classes fait ce pour quoi elle est faite. Donc, la structure de ces trois classes. Et puis, vient ce passage assez fascinant où Platon dit « Les vertus politiques correspondent à des vertus dans notre âme. » Et donc, intériorise la cité dans notre âme. Et ça, c'est un passage tout à fait fascinant et central de l'histoire des idées, puisque pour une des premières fois, en tout cas, on a l'idée d'avoir plusieurs instances en nous. Et là, Platon propose un très bon argument qui mêle logique et observation psychologique. La logique étant que la même chose ne peut ni faire ni subir deux opposés. Et l'observation étant que constamment, nous dans notre vie psychologique, nous sommes confrontés à des oppositions. Par exemple, je sais que je ne dois pas boire, mais j'ai envie de boire. Hein, par exemple, je dois me lever le lendemain ou quelque chose comme ça. Ou je sais que je ne dois pas manger pour mon régime, mais j'ai envie de manger. Ou plein d'autres cas. Donc, c'est des cas où on est tiraillé entre deux désirs, entre un désir et une raison. Et donc, Platon dit, puisque la même chose ne peut pas avoir des opposés, c'est que ce n'est pas la même chose qui désire et qui résiste au désir. Et donc, il y a en nous des parties de l'âme. Partie de l'âme qui correspond aux classes de la cité. La partie dite rationnelle, la partie ardente et la partie et appétitive. Hein. Le surmoi, le ça et le moi. Alors, c'est un peu ça, non? C'est un peu ça, c'est ouais. Un peu ça. Avec peut-être une différence, c'est que chez Freud, le principe de plaisir se situe essentiellement dans le dispositif pulsionnel. Or, dans le livre 9, et dans le livre 8, on apprend que la partie rationnelle a aussi son plaisir et son désir. Donc, en effet, c'est un peu ça, mais il y a aussi des formes de plaisir intellectuel très très forts, qui sont même plus forts d'ailleurs que les plaisirs appétitifs, puisque les plaisirs appétitifs sont pris dans des cycles de vide et de réplétion, alors que tandis que les plaisirs intellectuels sont purs. Mais l'idée, c'est que nous sommes donc aussi tripartites que la cité l'est dans notre âme. D'où vient la vertu? Elle vient, d'après Platon, de l'idée que nous sommes capables de avoir dans notre âme, non pas ces parties qui nous tiraillent, mais qui sont unies. Donc, l'idée que la partie rationnelle dirige la partie appétitive et que la partie ardente soit du côté de la partie rationnelle. La justice psychologique étant définie comme cette idée que les trois parties font ce pour quoi elles sont faites. Et que, faisant ce pour quoi elles sont faites, justement, elles ne sont plus trois, mais deviennent une. Et c'est ça la force de la définition, disons, de la justice ici, c'est que c'est l'idée que lorsqu'on est juste, on n'est plus tiraillé, mais on est une chose. Et pourquoi appelle-t-il cela la justice, c'est plus la paix ou l'harmonie? Alors, c'est vrai qu'il y a un lien, disons, entre la dimension de justice et d'harmonie. L'harmonisation étant le fait que justement chaque partie fait ce pour quoi elle est faite. Mais c'est ça que Platon baptise la justice. Alors on peut être en désaccord sur cette détermination de la justice, mais pour lui la justice, elle vient du fait que chaque partie fait ce pour quoi elle est faite. Alors peut-être que c'est plus clair quand on imagine la situation inverse. Le moment où dans la cité, tout le monde fait ce qu'il veut. Non plus ce pour quoi elle est faite, mais ce qu'il veut. Ou dans notre âme, c'est aussi le cas. Alors Platon dit que ça, c'est l'injustice. Pourquoi? Parce que c'est le moment où toutes les parties de la cité tirent dans des sens opposés. Et ça, pour lui, c'est l'injustice, c'est la dissension de la cité, ce qu'il appelle aussi la guerre civile, la guerre interne. Qu'il craint beaucoup plus que la guerre externe, d'ailleurs. Exactement, qui est pour lui complètement destructrice. De la même, enfin pas complètement, mais en tout cas, qui corrompt jusqu'à un point incroyable. Et dans l'âme, c'est aussi le cas. C'est le moment où notre dispositif pulsionnel, pour le dire avec Freud, prend complètement le dessus. Et pourquoi est-ce que c'est mal ? Pas parce que la raison a toujours raison, mais parce que on est tyrannisé, en fait. C'est ça le problème. Par soi-même. Par soi-même. Par ses désirs. Exactement. Et qu'en fait, c'est le contraire de la liberté. Hein? Et c'est ce lien-là entre liberté et justice qui fait que Platon a identifié la justice à ce moment où on est justement plus du tout tyrannisé par ce qui se passe en nous, mais qu'on est unifié. Mais il tient la liberté, Platon ? Et tiens, alors, ah oui, oui. Alors, c'est ça s'est pas beaucoup entendu. Ah oui, alors, je suis content de pouvoir dire un mot là-dessus parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est ça avec quoi on démarrait avec Palpatine. On a l'impression que c'est la tyrannie, en fait, cette cité. Mais, pour Platon, c'est le contraire. C'est le contraire de la tyrannie précisément parce que, pour lui, l'anarchie, si vous voulez, c'est pas du tout la liberté. Le moment où tout le monde fait ce qu'il veut, c'est le contraire de la liberté parce que ça conduit à des situations tyranniques. La tyrannie dans la cité, mais aussi la tyrannie dans notre âme. Pour lui, la véritable liberté, c'est justement le moment où on n'a plus ce tiraillement et cette tripartition et qu'on est unis. Et il tient si bien à la liberté qu'il définit la philosophie comme la science des hommes libres. Hein? Donc c'est en réalité ce qu'il y a au fond de toute cette histoire de justice. C'est l'idée que nous ne sommes libres que si nous ne sommes pas tiraillés par différentes parties. Alors c'est évidemment très difficile à soutenir comme idéal, hein, parce que l'expérience du tiraillement, elle est constante, elle est suscitée aussi par le monde. Et de ce point de vue-là, Platon annonce la difficulté que les stoïciens mettent en évidence d'être un sage. Et donc là, vous avez raison de faire ce parallèle. C'est pas facile du tout. Mais c'est un idéal qui fait que, en tout cas, la liberté ne se confond pas du tout avec l'anarchie. Oui, c'est ça, mais plutôt du côté de l'ordre. Elle est du côté de l'ordre. Une intuition qui est pas qui n'est pas nécessairement difficile à comprendre, hein, puisque souvent on fait l'expérience de la liberté dans l'ordre qu'on s'impose. C'est pas complètement aberrant, je veux dire, de voir que la liberté survient plutôt dans l'ordre que dans des grands moments de grand désordre. Et donc, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire que sa conception de la justice, comme impliquant la liberté, n'est pas complètement périmée. Eh ben, merci de terminer sur ces mots, Nicolas Zaks. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous de votre invitation. Nous parler de ces livres 3 et 4 de La République de Platon. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche en philosophie ancienne à l'Université libre de Bruxelles et que donc nous consacrons cette semaine à La République de Platon. On lira la suite demain, livre 5 avec Fulcran Tesserin. On se demandera si Platon était communiste. Mais d'abord, puisque les poètes ont été chassés de la cité par Platon, on les réinvite. Ils viennent en studio ce matin. C'est Charles Trenet, l'âme des poètes. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. D'écouter l'âme des poètes chantée par Charles Trenet ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie, et le plaisir d'accueillir comme tous les matins Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne, le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il lire David Hume ? La philosophie est parsemée non seulement de concepts abstraits, de noms de mouvements théoriques, comme celui sur lequel on va revenir dans un instant, qu'on appelle l'empirisme, philosophie de l'expérience, fondée sur l'expérience, mais aussi de grands noms, de noms de philosophes individuels qui marquent l'histoire de la philosophie, et on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un catalogue, dans un dictionnaire, de statues, dans un musée ou dans la cour des universités en général. Mais chaque nom de chaque grand philosophe représente en fait un défi radical. Le philosophe qui reste célèbre, c'est parce qu'il est allé jusqu'au bout d'une idée qui peut-être est intenable, mais sans laquelle on ne peut pas comprendre les potentialités de notre expérience, et cela change quelque chose à notre manière de voir le monde. Demandons-nous ce que cela change d'adopter le point de vue d'un tel ou d'un tel. Et par exemple, concernant l'expérience, concernant l'empirisme, le point de vue du philosophe écossais qui est sans doute aller le plus loin dans la pensée de l'expérience radicale et qui est en effet David Hume, celui dont son successeur, le plus célèbre et le plus critique à tous les sens du mot, Emmanuel Kant, a dit qu'il l'avait réveillé de son sommeil dogmatique. La piqûre de David Hume, comme la piqûre de la torpille de Socrate, nous réveillera toujours philosophiquement. Que dit David Hume de l'expérience? C'est un philosophe radical parce qu'il pense que toute notre connaissance, toute notre vie est constituée par des éléments passifs, objectifs, subis de notre expérience qu'il appelle des sensations. Tout vient dans notre esprit par un certain nombre de sensations que nous bricolons, que nous construisons et avec laquelle nous fabriquons à la fois un monde et une subjectivité qui n'ont aucun fondement absolu, qui peuvent vaciller à tout instant. Bien sûr, ça constitue quand même des régularités. Je mets ma main dans le feu une fois, j'en déduis que le feu brûle et j'ai pas forcément tort parce que ça se vérifiera sans doute à chaque fois que je mettrai ma main dans le feu, sauf si j'ai une certaine pathologie de la sensibilité à un certain moment. Je vois le soleil se lever, j'en déduis que tous les matins il va se lever, je constitue des lois de l'expérience et je constitue aussi mon histoire personnelle, mais jamais de manière universelle, jamais avec un fondement. L'empirisme radical de Hume est aussi un scepticisme qui nous oblige à constituer les règles de la vie humaine et de la connaissance et aussi de la morale avec des habitudes, ce qu'il appelle des habitudes, et jamais des principes absolus. Et même notre subjectivité n'est, dit-il, qu'un théâtre où apparaissent des sensations, jamais un principe, un sujet absolu. Scepticisme donc radical qu'il conduit d'une enquête à l'autre, enquête sur l'entendement humain, enquête sur les principes de la morale. Selon lui, nous construisons la morale avec aussi des bouts d'expérience qu'il appelle plaisir ou douleur. Et c'est avec ça que nous construisons ce qu'il appelle aussi l'utilitarisme lié à l'empirisme. Radicalité peut-être intenable. Kant lui a opposé la nécessité, l'universalité des principes de la science et de la morale. Bergson lui a opposé, par exemple, une personnalité qui se construit dans le temps de manière active et libre, et ce sera le cas aussi de Sartre. Mais il faut lire David Hume parce qu'il fait partie des grands philosophes de l'expérience radicale. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui, chaque jour, m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier, en compagnie de Carla Michel, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, Laurence Malonda réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Hugo Renard. À la lecture des textes, cette semaine, c'est Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite donc de cette semaine. Fulcran Tesseringue, le professeur de philosophie Fulcran Tesseringue, viendra lire pour vous le livre 5 de La République. Avec cette question, à partir de cette question, Platon est-il communiste? La question mérite d'être posée, vous verrez la réponse demain à 10h donc. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission ainsi que celle de lundi et de mardi pour rattraper les épisodes précédents de La République de Platon, la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, c'est très facile sur toutes les plateformes et ça vous permet d'écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez. On vous attend également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, on est ravis de lire vos commentaires et on poste quotidiennement l'émission du jour. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.